Souviens-toi de moi, je suis celui qui colorait tes rêves, qui t'apportait des vagues de bonheur sur la grève, celui qui distribue des arcs-en-ciel aux âmes tristes, qui transforme les tempêtes en légères brises. Souviens-toi de moi, je suis le marchand de couleurs qui apporte les sourires et distribue les bonheurs, qui envoie le soleil réchauffer. Je suis celui qui vit au plus profond.